Alors, dès que vous avez vu tout au lati awa, Yazali Bongo porte tandar awa na katia Panama. Eric Lema Njela Bapeti na yeske ya lukuta Myself, I want talking for English because myself from Couturier from Africa man, you know. Je m'appelle Eric Lehmann Zila. Je suis le grand couturier ici en Paris parce que je fais le travail avec l'amour, avec le sentiment. Et puis c'est propre, c'est bien soigné. Vous avez vu avec la. Le groupe, je vois la musique, nouvelle écriture. Merci papa. Gila! Alali papa, anaï, anaï, au soleil, à tirer la guidi badi. Alali papa, Ruf Mbotanganga. Il était comment? Tout en Zila, toujours. Ah ouais! Toko lobe la pona mo polo ya lelo Lobadi Al Pacino de Pointe Wo Iyo lobi boni pona to moni Claude Mosai na ba momi ya bien bazaliawa Basalama tro na ba mera bombo Jite wendo la taille Alo ba petit balien sala ko Juju mwanga eh Usale Poka dero dero dero Wo ikoso Solo ya bana ba bungu nzela Ah we we we Ba basili ko bosa na mutambo Philo photo de toutes les façons toujours de toutes les façons Est-ce que yebi ke Mokolongo na dis abeba Ezala ki nde pona baboma Analeli papa Abeba toujours Analeli ye ye ye ye ye ye Yeah.